Chapitre 12e. Le docteur, ayant ainsi fait l'éloge de la chasse, s'avança vers la boutique de son neveu et du geste montra au chanoine et à l'abbé le plus admirable spécimen cynégétique que l'on puisse imaginer. Les gardes-chasse anglais, grands maîtres dans l'art de grouper le gibier et de composer ainsi des tableaux réels de nature morte, eussent reconnu la supériorité de Léonard. Que l'on se figure un tronc d'arbre noueux et branchu, haut de 6 à 7 pieds, perpendiculairement dressé au milieu de cette boutique. Au pied de ce tronc d'arbre était groupé, sur un lit de fougère d'un vert éclatant, un jeune sanglier, un magnifique daim d'aguet en pleine venaison et de beaux chevreuils. Ces animaux, couchés en rond, la tête sur l'épaule, comme s'ils eussent reposé dans leur fort au fond des grands bois, garnissaient ainsi le pied de l'arbre. De flexibles liens de lierre, garnis de ses feuilles, suspendaient aux branches inférieures du tronc d'arbre, disposés à peu près en if, des lièvres, des lapins de garenne, alternés avec des oies sauvages d'un gris cendré. Des hallebrands à la tête verte et à la peine frangée de blanc, des faisans à l'orbite écarlate, au couple changeant et à la plume brillante comme du cuivre bruni, des outardes argentées, oiseaux de passage assez rares dans nos climats, ça et là des branches de houx aux baies pourprées, des rameaux de bruyère à fleurs roses, s'entremêlaient gracieusement avec le gibier ainsi étagé. Venaient ensuite des groupes de pécasses, de perdreaux gris, de bartabelles rouges, de pluviers dorés, de poules d'eau d'un noir d'ébène. Au bec jaune, au dernier branchage, était suspendu un gibier plus menu et plus délicat encore, caille, grive, bec figue et râle de genêt, ces rois de la plaine. Enfin, tout au faîte de l'arbre, un magnifique coq de bruyère, sans doute égaré des montagnes des Ardennes, semblait ouvrir ses larges ailes d'un brun glacé de bleu et planer sur cette giboyeuse hécatombe. Léonard, svelte et agile garçon, à l'œil un peu fauve, mais à la physionomie franche et résolue, contemplait amoureusement son œuvre et y donnait, pour ainsi dire, une dernière touche, faisant çà et là contraster le rouge d'une bartavelle avec un vert rameau de genévrier ou le noir d'ébène d'une poule d'eau avec le rose vif d'une branche de bruyère. « J'ai instruit ces messieurs de ton affreux métier, mauvais garçon, » dit en souriant le docteur Gasterini à son neveu Léonard. « Monsieur le chanoine et monsieur l'abbé voudront bien prier pour le salut de ton âme. » « Oh, oh, mon bon oncle, » reprit joyeusement Léonard, « j'aime mieux qu'il prie pour le bon tiré des deux premières belles mariées que de mon affût j'enverrai à quelques bonnes et grasses bêtes de compagnie, dont je vous offrirai la hure et les filets, mon bon oncle. »« Hélas, hélas, il est incorrigible, » dit le docteur Gasterini, « et malheureusement, seigneur chanoine, vous n'avez pas d'idée du fumet de haut goût dont sont doués une hure congrûment farcie et les filets mignons d'un sanglier d'un an sauté à la Saint-Hubert. Ah, monsieur le chanoine, quelle succulence! On a bien raison de placer ce mets divin sous l'invocation du saint patron de la vénerie. Mais passons, » dit le docteur en précédant Don Diego, ébloui, fasciné par cette exhibition de gibier si nouvelle pour lui, car ses richesses cynégétiques sont inconnues en Espagne. « Oh, combien est grande la nature dans ses créations !» disait le chanoine. « Quelle miraculeuse échelle de goût et de succulence, depuis le gros et monstrueux sanglier jusqu'au bec figue, cet oiseau exquis. Gloire, gloire à toi, éternelle reconnaissance à toi » ajouta-t-il en manière d'oraison jaculatoire. « Bravo, Don Diego !» s'écria le docteur. « Vous voici dans le vrai !» Le voici dans le matérialisme, dans le paganisme, dans le panthéisme le plus grossier, dit l'intraitable abbé. Vous le damnez, docteur, vous perdez son âme. Encore un peu de patience, mon cher abbé, reprit le docteur en faisant un pas vers une autre boutique. Tout à l'heure, malgré vos dénégations, vous serez convaincu que je dis vrai, en préconisant l'excellence de la gourmandise, ou plutôt, vous pensez comme moi, mais vous trouvez opportun de nier l'évidence. « Maintenant, monsieur le chanoine, vous allez voir ici surtout en quoi cette gourmandise que nous adorons, vous et moi, est une des causes d'un des plus grands progrès de l'agriculture, la seule et véritable base de la prospérité du pays. Et sur ce, je vous présenterai mon neveu Mathurin, herbager au pré-salé, qui nourrissent les seuls bestiaux dignes du gourmand, et qui lui donne ses inestimables gigots, ses côtelettes souveraines, ses filets de bœuf merveilleux que l'Angleterre même nous envie. Je vous présenterai aussi la femme de mon neveu Mathurin, native du Mans, et de cette illustre école d'engraissage qui produit ses poulardes et ses chapons, une des gloires et des richesses de France. La boutique du fermier Mathurin, sans doute moins coquette, moins brillante, moins pittoresque que les autres, avait en revanche un caractère de simplicité majestueuse. Sur de grands claies d'osier, couvertes de branches de thym, de sauge, de romarin, d'estragon et autres herbes fortement aromatiques, s'étalaient, avec un aplomb herculéen, des rosbifs monstrueux, des aloyaux fabuleux, des longes de veau merveilleuses, et de ces gigots et de ces côtelettes non pareilles qui emplissent les 100 bouches de la renommée de la saveur incomparable des bestiaux des prés salés. Quoique crue, cette admirable chair, entourée de plantes à odeur pénétrante, était si fine, si courte et d'un rose si vif, sa graisse mate était d'une blancheur si fraîche, si délicate, que Don Diego jetait sur ces spécimens de l'industrie bovine et ovine des regards carnivores. De son côté, Mathurine présidait à une exhibition non moins remarquable. On admirait, à demi enfouie dans des touffes de cresson de fontaine, une collection de poulardes, de chapons, de coques d'Inde vierges et de poulets à la reine, dits tardillons, tous si dodus, si potelés, si ronds, et d'une peau si satinée que plus d'une jolie femme l'eût enviée. « Oh, qu'elles sont jolies, qu'elles sont ravissantes !» balbutia le chanoine. « C'est à en perdre la tête !»« Ah, monsieur le chanoine !» reprit le docteur. « Que direz-vous donc lorsque l'intéressante pâleur de ces poulardes sera dorée au feu du tournebroche ? Lorsque, distendue à se rompre par les truffes qui apparaîtront bleuâtres sous la finesse de son épiderme, cette peau satinée deviendra vermeille, et qu'elle épandra les pleurs d'un jus empourpré, bientôt moiré par la lente distillation de cette graisse, presque aussi exquise que la graisse de caille. « Assez, docteur !» s'écria le chanoine exaspéré. « Assez, de grâce !» Ou bravant le scandale, je me jette sur l'une de ces adorables poulardes, sans le moindre respect pour leur crudité. « Calmez-vous, seigneur Don Diego, » dit le docteur en souriant. « L'heure du dîner approche, et vous pourrez alors rendre vos hommages à deux des sœurs de ces adorables. » S'adressant alors à son neveu Mathurin, le docteur ajouta. « Ces messieurs trouvent remarquables les produits de tes herbages et de ta ferme, mon garçon. »« Ces messieurs sont bien honnêtes, mon cher oncle, » répondit Mathurin. « Dame, aussi c'est du bétail de choix et d'amateurs. Je ne crains ni anglais ni ardennois pour la saveur de mes bœufs, de mes veaux et de mes moutons de prés salés, qui font mon petit amour propre et ma fortune. Car voyez-vous, messieurs, le dernier mot de l'agriculture, c'est de faire de la viande, comme nous disons. Le bétail produit le fumier l'engrais la fertilité de la terre, et la fertilité de la terre vous donne bon affanage et bon pacage pour le bétail. Tout ça se tient et s'enchaîne, et plus le bétail est fin gras, plus il est bon à gourmand, selon le proverbe de chez nous. Mieux il se vend, meilleur est son fumier, et par conséquent, meilleure est la culture. C'est comme les volailles à Mathurine. Sans doute, ça donne bien de la peine, ça emploie bien du monde à la ferme, car vous ne croiriez peut-être pas, messieurs, que pour engraisser un de ces chapons ou une de ces poulardes à la mode mancelle, il lui faut ouvrir le bec et l'empâter 15 ou 20 fois par jour dans sa mue avec des boulettes de farine d'orge et de lait, et cela pendant 3 mois. Mais aussi c'est un fameux produit, car un chapon ne rapporte plus que ne rapporte ailleurs un mouton ou un veau chétif. Mais il faut de grands soins. Aussi, d'après le conseil de ce cher oncle, bon conseil s'il en est, tous les ans, à la Noël, voilà, messieurs, ce que nous faisons à la ferme. Le soir, au retour des bestiaux, les 2 premiers bœufs qui entrent à l'étable, qu'ils soient les plus beaux ou les moins beaux du troupeau, peu importe, le hasard décide, sont mis de côté. Il en est de même des 6 premiers veaux, des 6 premiers moutons qui rentrent à l'étable. Ensuite, on ouvre les mues des volailles, et les premiers 12 chapons, les premiers 12 poulardes, les 12 premiers coques vierges qui sortent des mues sont ainsi mis de côté. À quoi bon ? Demanda l'abbé. Que deviennent ces animaux ainsi désignés par le sort ? On en fait un lot, monsieur, et les vendu au profit du personnel de la ferme. Ce bénéfice s'ajoute à leur gage fixe. Vous comprenez, messieurs, qu'ainsi tout mon monde a intérêt à ce que bétail et volaille soient indistinctement soignés le mieux possible, puisque le hasard seul désigne le lot d'encouragement, comme nous l'appelons. Qu'arrive-t-il de là, messieurs ? C'est que troupeaux et volailles deviennent presque autant la chose de mes gens que la mienne. Car plus le lot se compose de beaux produits, plus il se vend cher et plus mon monde bénéficie. Eh bien, messieurs, croiriez-vous que grâce aux ailes, aux soins, à l'activité que donne à mes gens de ferme l'espoir de ce bénéfice, je gagne encore plus que je ne leur abandonne, parce qu'encore une fois, notre intérêt à tous est commun, de sorte qu'en rendant la condition de ces braves gens beaucoup meilleure, j'y trouve mon avantage. La morale de ceci, seigneur chanoine, dit le docteur en souriant, est qu'il faut manger le plus possible d'excellents aloyaux, de tendres côtelettes de présalé, et se livrer avec le même dévouement à une consommation effrénée de poularde, de chapon et de coque d'Inde vierge, afin d'activer l'intéressante industrie mancelle. « Je tâcherai, monsieur le docteur, dit gravement le chanoine, d'être à la hauteur de mes devoirs. Ils sont plus nombreux que vous ne le pensez, seigneur Don Diego, car il dépend aussi de vous que le pauvre monde soit vêtu et mieux chaussé. Ce à quoi vous pouvez particulièrement concourir en mangeant force grenadin de veau à la samaritaine, force beefsteak au beurre d'anchois, force langue de mouton à la duxelle. Ah ça, monsieur le docteur, dit le chanoine, vous plaisantez. Vous vous en apercevrez un peu plus tard, Don Diego, dit l'abbé. Je parle très sérieusement, reprit le docteur, et je vais vous le prouver, seigneur Don Diego. Avec quoi se font les souliers? Avec du cuir, monsieur le docteur. Et qui produit ce cuir? Ne sont-ce pas les bœufs, les moutons, les veaux? Il est donc évident que plus l'on consomme de bétail, plus le prix du cuir diminue, et plus les bonnes et saines chaussures deviennent accessibles aux pauvres gens qui ne portent que des sabots. C'est vrai, dit le chanoine d'un air cogitatif, c'est pourtant vrai. Maintenant, reprit le docteur, et les bons vêtements de laine, et les bons bas de laine, de quoi sont-ils tissés? De la toison des moutons. Or donc, plus l'on consomme de moutons, plus la laine devient bon marché. Ah, monsieur le docteur, s'écria le chanoine, emporté par un élan de vaillante philanthropie, c'est à regretter de ne pouvoir faire 10 repas par jour. Oui, oui, c'est à se crever d'indigestion pour le plus grand bonheur de ses semblables. Ah, seigneur Don Diego, répondit le docteur d'un ton pénétré, tel est peut-être le glorieux martyr qui vous attend. Et je le subirai avec joie, avec orgueil, s'écria le chanoine enthousiasmé. Il est doux de mourir pour l'humanité. L'abbé Ledoux ne pouvait plus en douter. Don Diego lui échappait. Aussi manifestait-il son dépit par de dédaigneux haussements d'épaules et par des roulements d'yeux courroucés. « Oh mon Dieu, monsieur le docteur !» dit soudain le chanoine en dilatant à plusieurs reprises ses larges narines. « Quelle est donc cette appétissante odeur que je sens là ?»« C'est le spécimen de l'industrie de mon neveu Michel, monsieur le chanoine. Elle sort à peine du four. Voyez comme c'est doré, comme c'est friand. » Et le docteur Gasterini désigna du geste au chanoine les plus merveilleux échantillons de pâtisserie et de petits fours que l'on puisse imaginer. Pâté formidable au gibier, au poisson ou à la volaille, bouchées aux queues d'écrevisses, tourtes aux fruits, tartelettes aux confitures et aux crèmes de toutes sortes, brioches fumantes, meringues à la gelée d'ananas, viennoises pralinées, nougats montés en forme de rochers supportant des temples de sucre candi, sultanes élégantes, dont le dôme en sucre filé, pareil à un filigrane d'argent, laisse apercevoir un bassin de massepain à la vanille rempli de crème à la rose, crème fouettée aussi légère que de l'écume. Passons sous silence d'autres merveilleuses friandises qu'il serait trop long d'énumérer et que le chanoine Don Diego contemplait avec une muette admiration. L'heure du dîner approche et il faut que j'aille bientôt à mes fourneaux donner la dernière touche à certains mets que je fais ébaucher par mes élèves, dit le docteur Gasterini à son hôte. Aussi, pour vous prouver l'importance de cette branche d'industrie si appétissante, je me bornerai à une seule question. Et s'adressant à son neveu Michel, « Mon garçon, dis à monsieur combien tu as payé le fonds de pâtisserie que tu exploites rue de la Paix. »« Vous le savez bien, mon cher oncle, » répondit Michel en souriant affectueusement au docteur Gasterini, « puisque c'est vous qui m'avez avancé l'argent nécessaire à cette acquisition. »« Ma foi, mon garçon, comme tu m'as intégralement remboursé depuis longtemps, j'ai oublié ce chiffre. Voyons, c'était 200 000 francs, mon cher oncle, et j'ai fait une excellente affaire. » Du reste, la maison est bonne, car mon prédécesseur a gagné dans ce commerce 20 000 livres de rente en 10 ans. 20 000 livres de rente ? S'écria Don Diego avec stupéfaction. 20 000 livres de rente ? Voilà pourtant, monsieur le chanoine, comment l'on crée des capitaux en mangeant des pâtés chauds à la financière ou des babas aux pistaches. Maintenant, voulez-vous voir quelque chose de véritablement grandiose? Car il s'agit cette fois d'une industrie qui touche non seulement aux intérêts de presque toutes les contrées de la France, mais qui s'étend jusque dans une grande partie de l'Europe et de l'Orient, c'est-à-dire en Allemagne, en Italie, en Grès, en Espagne, en Portugal. Une industrie qui met en circulation des capitaux énormes, qui occupent des populations entières et dont les produits de premier choix atteignent parfois à des prix fabuleux. Une industrie enfin qui est surtout à la gourmandise ce que l'âme est au corps, l'esprit à la matière. Tenez, seigneur Don Diego, regardez et vénérez, car ici les plus jeunes sont déjà bien vieux. Aussitôt, le chanoine ôta par instinct son chapeau et courba respectueusement la tête. Je vous présente mon neveu Théodore, commissionnaire en vins fins français et étrangers, dit le docteur au chanoine. Dans cette boutique, rien de brillant ni de chatoyant, de simples étagères de bois chargées de bouteilles poudreuses, et au-dessus de chaque étagère, des écriteaux en lettres rouges sur fond noir où on lisait ces mots d'un laconisme significatif: France. Chambertin, Comète. Clovougeot, 1813. Volnay, Comète. Nuit, 1820. Pommard, 1834, Chablis, 1834, Château-Margaux, 1818, etc. Allemagne, Johannisberg, 1779, Rüdsteiner, 1747, Hoheimer, 1760, etc. Hollande, Anisette, 1821, Curaçao Rouge, 1805, Italie, Lacryma Christi, 1803, Grèce, Chypre, 1801, Îles Ioniennes, Marasquin de Zara, Espagne, Val de Penas, 1812, Xeresec, 1809, etc. Portugal, Porto, 1778. Île de Madère, Madère, 1810, ayant fait trois fois le voyage de l'Inde. Cap de Bonne-Espérance, vin rouge blanc paille, 1826. Pendant que Don Diego contemplait dans un profond recueillement, le docteur Gasterini dit à son neveu: « Mon garçon, as-tu un souvenir précis du prix auquel s'est élevée la vente de quelques caves renommées ?»« Oui, mon cher oncle, » répondit Michel. « Il y a eu la cave du duc de Sussex à Londres, qui était vendue de 180 000 francs. La cave de M. Lafitte a été, je crois, vendue à Paris pour près de 100 000 francs. Celle de M. Laguillière aussi à Paris, 160 000 francs. « Eh bien, seigneur Don Diego, » dit le docteur Gasterini à son hôte, « qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que ce soit là une abomination, comme l'affirme cet espiègle d'Abbé Ledoux, qui nous observe sournoisement? Croyez-vous, dis-je, qu'elle soit digne en soi d'anathème, cette passion qui, entre autres, favorise une industrie de cette immense importance? Songez aux frais de main-d'œuvre, de transport, de conservation, que de pareilles caves ont dû coûter, que de gens ont vécu des capitaux qu'elles représentaient. « Je pense, » s'écria le chanoine, « je pense que j'étais un aveugle, un insensé, de ne pas avoir compris jusqu'ici l'immense portée industrielle, politique et sociale de ce que je faisais en mangeant et en buvant avec recherche. Je pense que maintenant la conscience d'accomplir une mission d'intérêt public, en me livrant à une gourmandise effrénée, sera pour mon appétit un délicieux apéritif. Et cet apéritif, à qui le dois-je, si ce n'est à vous, docteur, ô noble penseur, ô grand philosophe ? C'est la gastrolâtrie poussée jusqu'à l'insanité, dit l'abbé Ledoux. C'est du néopaganisme. Seigneur Diego, reprit le docteur, nous parlerons de la reconnaissance que vous croyez me devoir lorsque nous aurons jeté un coup d'œil sur cette dernière boutique. Il s'agit ici d'une industrie qui l'emporte sur toutes celles dont nous venons de parler par sa haute importance. La question est grave, car elle a trait à l'influence de la gourmandise sur l'équilibre de l'Europe. L'équilibre de l'Europe, dit le chanoine, de plus en plus abasourdi. La gourmandise a quelque chose à voir dans l'équilibre de l'Europe. Allez, allez, Don Diego, dit l'abbé Ledoux en haussant les épaules, si vous écoutez ce tentateur, il vous prouvera des choses bien plus surprenantes encore. Je vais, en attendant, mon cher abbé, prouver au seigneur Don Diego et à vous-même que je n'avance rien que de rigoureusement vrai. Et d'abord, vous m'avouerez, n'est-ce pas, que la puissance de la marine militaire d'une nation comme la France pèse d'un grand poids dans la balance des destinées de l'Europe. « Certes, » dit le chanoine. « Ensuite, » dit l'abbé. « Or, » poursuivit le docteur, « vous m'accorderez que selon que cette marine militaire s'augmente ou s'affaiblit, l'influence maritime de la France perd ou gagne dans la même proportion. « Évidemment, » dit le chanoine. « Concluez donc, » s'écria l'abbé, « c'est là que je vous attends. » « Je conclus donc, mon cher abbé, que plus la gourmandise fera de progrès, que plus elle deviendra accessible au grand nombre, plus la marine militaire de la France gagnera en force, en influence. Et cela, seigneur Don Diego, je vais vous le démontrer en vous priant seulement de lire cet écriteau. » En effet, au-dessus de cette dernière boutique, la seule qui ne fut pas occupée par un neveu ou par une nièce du docteur Gasterini, on lisait ces mots « Denrée coloniale ».« Denrée coloniale ?» répéta tout haut le chanoine en regardant le médecin d'un air interrogatif, tandis que l'abbé, plus pénétrant, se mordait les lèvres de dépit. « Ai-je besoin de vous dire, seigneur chanoine, poursuivit le docteur, que sans colonie, nous n'aurions pas de marine marchande, et sans marine marchande, point de marine de guerre, puisque celle-ci se recrute parmi les matelots de commerce. Eh bien, si les gourmands ne consommaient pas toutes ces excellentes choses, dont vous voyez ici des échantillons, sucre, café, vanille, girofle, cannelle, gingembre, riz, pistache, muscade, poivre de Cayenne, liqueur des îles, achard des Indes, etc., que deviendraient, je vous le demande, nos colonies, c'est-à-dire notre puissance maritime ? Je suis ébloui, s'écria le chanoine. J'ai le vertige. À chaque pas, je me sens grandir de 100 coudées. Et vous avez parbleu raison, seigneur Don Diego, dit le docteur, car enfin, lorsqu'après avoir dégusté au dessert un fromage glacé à la vanille, auquel a succédé un verre de vin de Constance ou du Cap, vous savourez une tasse de café, ensuite de quoi vous concluez par un ou deux petits verres de liqueur des îles à la cannelle ou au girofle, eh bien, vous poussez héroïquement à la grandeur maritime de la France. Vous faites dans votre sphère autant pour la marine que le matelot ou que le capitaine. Et à propos de capitaine, seigneur chanoine, ajouta tristement le docteur, je vous ferai observer que seul parmi toutes les autres, cette boutique est vide. Car le capitaine du navire qui a amené des Indes et des colonies toutes ces friandes dorées n'ose se montrer, étant sous le coup de votre vengeance. C'est, vous nommez, mon pauvre neveu, le capitaine Horace, seigneur chanoine. Seul il manque aujourd'hui à cette fête de famille. Ah, serpent, murmura l'abbé Ledoux, comme il arrive tortueusement à son but, comme il a su enlacer cette misérable brute de Don Diego. Au nom du capitaine Horace, le chanoine avait tressailli et était resté un moment silencieux et pensif.